les petites histoires de Tell Me. Cette histoire a été diffusée en mars 2019. La drôle de maison. Il y a une drôle de maison dans la rue de l'étagère. Elle est toute grise, comme recouverte de poussière triste. Elle a un étage et un grenier. Les volets sont tous fermés et un peu cassés. Dans le jardin, il n'y a que du fouillis. L'herbe est très haute, les orties sont ébouriffées et la vieille fontaine est vide depuis bien longtemps. Au fond, il y a une balançoire qui couine quand il y a un peu de vent. Elle est recouverte de plantes grimpantes et de mousse verte. Il y a même des trous de taupe un peu partout. Camille habite en face et sa maison est très différente. Elle est toute bleue, les volets sont tout le temps ouverts, même la nuit. Comme ça, on peut regarder les étoiles quand on n'arrive pas à dormir. Dans le jardin, il y a un très gros pommier et des fleurs en été. Son papa lui a fabriqué une cabane en bois, qu'il a peinte du même bleu que la maison. C'est la mini-maison de Camille. Camille a toujours habité là. La maison d'en face a toujours été abandonnée. D'ailleurs, ses copains et ses copines n'aiment pas trop venir goûter chez elle parce que la maison de l'autre côté de la route leur fait un peu trop peur. Ils l'appellent « la maison qui fait peur ». Camille trouve qu'elle ne fait pas peur du tout. Elle l'appelle « la maison triste ». Parce qu'avec ses volets de traviole, on dirait qu'elle pleure, un peu. Évidemment, Camille n'a pas le droit d'y aller. Évidemment, elle rêve d'y aller. À chaque fois qu'elle traverse la rue pour regarder au travers du portail de la maison triste, maman lui crie toujours par la fenêtre. « Laisse-la donc tranquille, cette vieille bicoque! Elle se repose en attendant des nouveaux habitants !» Un jour d'été, Camille s'ennuie un peu trop. Elle bouillonne encore plus que d'habitude de traverser la rue, de secouer un peu le grillage et de se glisser dans le jardin fouillis de la maison triste. Elle sait que c'est interdit, mais aujourd'hui, tant pis. Elle inspire un bon coup, sort de son jardin, regarde avant de traverser et s'approche du portail qui couine. Enfin, elle y est. Alors par contre, il y a des tas d'orties. Elle regrette beaucoup d'être en sandales, ça pique. Elle continue quand même son exploration, le cœur battant. Elle contourne et enjambe les herbes folles et les détritus jetés çà et là, et arrive, non sans quelques égratignures, sur le perron. Elle n'a jamais vu cette porte d'aussi près. Super, c'est ouvert. Elle entre, et parce qu'elle est très polie, Camille lance un grand « Bonjour !» Personne ne répond. Mais en fait, si. Une drôle de voix très douce résonne dans toute la maison. « Bonjour, Camille !»« Pardon, je grince un peu. » Camille ne s'attendait pas du tout à trouver quelqu'un d'autre, alors elle demande « Qui est là ?» La maison rigole en faisant danser le papier peint à fleurs de l'entrée. « C'est la maison. Je suis contente que tu viennes enfin me rendre une petite visite. Je te conseille la chambre du premier pour commencer. » Alors là, Camille est époustouflée. Elle savait bien qu'elle était formidable, cette maison. Toute contente, Camille grimpe et pousse la porte indiquée. « Oui, oui, par ici !» Le papier peint est joli. Ce sont plein d'animaux oranges qui ont l'air gentils, c'est sûr. C'était une chambre d'enfant. La pièce est presque vide, mais elle aperçoit quelque chose dans le placard du mur. « Regarde dans le coffre !» Dans le placard, il y a effectivement un grand coffre en bois avec un joli cadenas, pas du tout fermé à clé. Camille soulève le couvercle et à l'intérieur, il y a des tas de jouets qu'elle n'a jamais vus avant. Elle en sort un premier. On dirait une boîte de conserve avec une petite manivelle. Elle est peinte en bleu et rouge. Camille tourne la petite manivelle et... Oh ! Ça fait de la musique, comme celle des camions de glace ou des cirques. La maison danse en faisant tanguer le plancher. Camille danse en jouant de la boîte à musique tout en essayant de ne pas tomber. Dans le coffre, il y a plein d'autres trésors. Une petite dinette en porcelaine, des soldats de plomb, une poupée de chiffon. Camille est émerveillée. Tous ces trésors ont été abandonnés depuis bien trop longtemps. Camille fait la ronde avec la poupée de chiffon. Elle fait boire le thé au petit soldat de plomb. Elle fait des galipettes en chantant la petite musique de la boîte. La maison tousse en riant. Oh, comme il est bon de retrouver de la vie et des chansons sur mon vieux plancher! La maison rit encore et tousse encore plus fort. Camille s'inquiète. Tu tousses fort, dis donc? C'est la poussière, ça gratte un peu. Camille repart en courant dans sa maison, revient avec balai, serpillière et plumeau pour se lancer dans un grand ménage. Oh, oh, tu me chatouilles! Camille est revenue pendant des jours, et puis des mois pour nettoyer et faire briller. Car oh là là, il y en a des choses à faire. D'abord, la poussière, puis aérer la cave et réparer la chaudière. Ensuite, déblayer le couloir, laver les sols au savon noir et vider chaque tiroir. Il a fallu ensuite s'atteler au grenier, trier les toiles d'araignée et poncer le parquet. Faire de la peinture, reboucher la toiture et se débarrasser des ordures. Son papa et sa maman sont parfois venus l'aider en rouspétant un peu qu'elle pourrait aussi ranger sa chambre de l'autre côté de la rue. « Notre maison ne tousse jamais, pas besoin de la ranger !» Des années et des années plus tard, Camille passe à nouveau la porte de la maison, cette fois sans chiffon, mais avec son baluchon. « Ça y est, tu emménages après tout ce ménage ?»« Oui, on va enfin pouvoir se reposer !» Depuis ce jour, tous les enfants du quartier viennent jouer chez Camille, dans la maison qui ne fait plus peur du tout. C'était une petite histoire de Telmi. Écrite par Sibyline et racontée par Arnaud Guillou. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. À la semaine prochaine !